s'il te plaît. Oh, yeah. Là, on est bien. On va nous déranger. C'est la merde dans la tête, des échos dans le rire. Je suis pas top, je suis au top quand je fume la rire. Sous la chance, il y a le pont. Si tu touches les miens, c'est de la crasse, fais mon pote. Les plaquettes hypothéquées, transactions pas dans les temps. Tu fais tout au sous-sol, s'associe au suceur, on le sait. T'es la cible sans cesse, les soucis c'est la merde, on le sait. Non je n'ai plus ton temps, là j'ai les gros montants. Projets sur la liste d'attente, j'ai ta d'album d'avant. Et quand je les mets d'accord, ils ont redemandé. Et même quand je suis en temps, je te dis baisse d'un ton. L'essence est essentielle, je plane, je prends le même. Je te mets des claques, appelle-moi tonton. Appelle ta BIA, moi j'ai pas ton temps. C'est la merde dans la tête, des échos dans le rire. Je suis pas top, je suis au top quand je fume la rire. Sous la chance, y'a le pompe, si tu touches les miens. C'est de la crasse, fais mon pote, mais je danse le mien. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger. Enchanté, ravi, mais t'es pas la famille. Et pour tous mes ennemis, majeur en l'air, je leur donne zéro. Je sais qu'ils sont tous tapis, majeur en l'air, je leur donne zéro. Si y'a bataille, ce soir y'a tous mes potes. On change la donne, six buts, te mets d'accord. T'es dans le viseur, feu rouge, c'est la fin. À qui la faute, tu liquides la bonne. Colombie, Brésil, tu dis le, m'en fous. Commanderie, écraille, comment je kiffe mon route. Ils chantent la street, mais ce ne sont que des musiciens. Manque de pont béton, je sais que je suis immunisé. Merde alors, c'est la merde dans la tête, des échos dans le rire. Je suis pas top, je suis au top quand je fume la rire. Sous la chance, y'a le pont, si tu touches les miens. C'est de la crasse, et mon pote, mais je danse le mia. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Faut pas nous déranger, faut pas nous déranger. Mais vas-y, hey, enlève l'autotune. Hey, non, Zeda, tu connais le nez. Ouais, c'est bon. Bye bye. Bye.